remonte, tu l'aimes moi. Je peux t'aimer sans regarder. Le seul monde qui nous regarde, mon amour de grand. Rien à faire, rien à croire. La fièvre monte, la foi s'en va. Je veux t'aimer, t'aimer sans compter. Et je compte sur toi pour m'aider. Demande l'antenne. Retrouver le mystère. Demande l'antenne. Je veux trouver. Alternative. La vie est bien trop bête. Refuse. La politique implose. Solution au quotidien. Solution à l'intérieur. Solution qui vient du cœur. Demande l'antenne. Retrouvez le mystère. Je cherche. Je veux.